Perhaps you sense a disquieting metamorphosis. Hélas, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Et tous les contes n'ont pas de fin heureuse. It appears everyone is doomed at Phantom Manor. Even you? And notice this. This chamber has no windows and no doors, which offers you this chilling challenge to find a way out. Par ailleurs, il n'y a ni porte, ni fenêtre. Par où sortir? Si vous ne trouvez pas le moyen de vous échapper, le fantôme des lieux se fera un plaisir de vous aider. I didn't mean to frighten you. Prematurely. Venez donc faire la connaissance de la future mariée dont la beauté vous donnera des frissons.